Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Before we start our message, I'll quickly give you these little things that the Lord has for us. Amen. Auf you can also record it. Bevor wir mit der Botschaft anfangen, will ich noch einige Dinge teilen, die der Herr an den Geben hat für uns alle. Avant qu'on commence avec le message, je vais vous dire ce que Dieu a pour nous. Let us continue to work for Christ. Lasst uns weiterhin für Christus arbeiten und auch kontinuierlich travailler pour les Christen. He sent us. Er hat uns gesandt. Ils ont envoyé. We did not send ourselves. Wir haben uns nicht selbst geschickt. Nous sommes pas envoyés par nous-mêmes. John 20 said he sent us. Johannes 20 steht, dass er uns geschickt hat. John 20 nous dit qu'il nous a envoyés. John 17 also said he sent us. Johannes 17 steht auch, dass er uns geschickt hat. Et même dans Jean 17, il a expliqué. It means we are just messengers. Das heißt, wir sind einfach nur Boten. Das sind wir seulement des messagers. Amen. Praise the Lord. Let us continue to work for him. Lasst uns weiterhin für ihn arbeiten. He said, as his father sent him, so also he sent us. So wie sein Vater uns gesandt hat, so sendet er auch uns. Il nous dit que la même façon comment son père l'a envoyé, c'est la même façon comment il nous envoie. Jesus did not get tired of his father. Jesus hatte seinen Vater niemals satt. Et Jésus-Christ n'était jamais fatigué de son père. Amen. He was always working for him. Er hat immer für ihn gearbeitet. Il travaillait toujours pour lui. He did not get tired. Er war nicht müde. Let's go to John 5, please. John 5, please. Johannes 5. Verse 17. Verse 17. Praise the Lord. Hallelujah. You see what is there? Who is already there? Praise the Lord. Hallelujah. He said, but Jesus answered them, my father walked hitherto, and I walk. Jesus said, my father is always at work. Jesus sagt, my father is immer am Werk. Jesus dit, mon père agit jusqu'à présent. He said, my father is always at his work to this very day. Er hat gesagt, dass sein Vater bis jetzt immer noch wirkt. Il a dit que son père agit jusqu'à aujourd'hui. And he said also that I am also working. Und er sagt, ich arbeite auch. Et puis il a dit aussi, moi aussi j'agis. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm. He never got tired of his father's work. Er hatte die Arbeit seines Vaters niemals satt. Il n'était jamais fatigué du travail de son père. Let us also. Let us also work for him. Lass uns auch für ihn arbeiten. Et on doit aussi travailler pour le Christ. Like us, like you and me, we work for him. So wie du und ich, wir arbeiten für ihn. Comme toi et moi, on travaille pour Jesus. We work for him by choosing him. Wir arbeiten für Jesus, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Et on travaille pour Jésus-Christ quand on choisit Jésus-Christ. Are you getting it? Mm-hmm. You know, to work for Christ is not going out to preach. Für Christus zu arbeiten, wollte nicht rausgehen und zu predigen. Le travail pour le Christ, ça signifie pas que tu sors pour prêcher. Reverse Christianity today. They never chose him. They never chose the truth, but they go out and preach. Are somebody getting something? You know, Jesus was never against his father. He was one with his father. He said, my father and I are one. Are not two. Il a dit, mon père et moi, nous sommes un, pas deux. Are you getting it? Mm-hmm. You know, Christianity today, you know, they are never one with the truth. And Christ is the truth. Das Christentum ist niemals eins mit der Wahrheit und Christus ist die Wahrheit. Le christianisme est jamais un avec la vérité, mais le Christ est un avec la vérité. They reject the truth, but go out and preach. Die verweigern die Wahrheit, aber gehen raus. That's not working for Christ. So arbeitet man nicht für Christus. Il sort et il prêche, mais ça, ils sont contre le Christ. Ça, c'est pas le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You chose him. That is how you work for him. Du wählst Jesus. Du arbeitest für Jesus. En choisissant le Christ, c'est comme ça tu travailles pour le Christ. Remember John 6. Rappelez-vous à Jean 6. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. Verse 28. John 6, verse 28. Then said they unto him, what shall we do that we might walk the work of God? You see there. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And Jesus answered and said unto them, this is the work of God. It's not going out. It's not going out to preach. He said that you believe on him whom he has sent. You believe the truth. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dass das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den gesagt hat, dass ihr an die Wahrheit glaubt. 28. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. You cannot say you believe him and reject the truth. Du kannst nicht sagen, du glaubst an Jesus und verweigerst die Wahrheit. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus Christ, mais que tu rejettes la vérité. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. I know that you believe him. It's according to your choice. I'm going to see your choice. Deine Entscheidung werden zeigen, ob du Jesus glaubst. Et tes décisions vont me montrer si tu crois le Christ ou pas. To believe him is on the inside. To choose is on the outside. It's the action. Ihn zu glauben ist von innen, aber das ihn zu wählen, das passiert äußerlich. De croire en Jésus Christ, ça vient de l'intérieur, mais de choisir Jésus Christ, ça vient de l'extérieur, ça se voit dans l'extérieur. And I will always know you by your choice. Und ich werde euch immer wieder erkennen durch eure Entscheidung. Amen. Amen. But not like us today, we are always at work. Amen. Amen. Just like Jesus, he was always at work. Amen. Amen. Choosing his Father. Am Arbeiten, das heißt, ihn, seinen Vater immer wieder zu wählen. Donc, travailler, ça signifie de choisir toujours son Père. Just like we choose him all the time today. Genauso wie wir auch immer wieder Jesus wählen. La même façon que nous, on choisit Jésus Christ aujourd'hui. Amen. Amen. And if you see Jesus, you know, he never do. He said, I do always those things that please him. In John 8. Let's go to John 8, please. Wenn du dir Jesus anschaust, sagt er, ich tue ständig das, was dem Vater gefällt. In Johannes 8. Dans Jean 8, Jésus-Christ nous dit qu'il fait toujours des choses qui plaisent à son Père. In John 8, verse 29. Jean 8, verset 29. And he that sent me is with me. The Father have not left me alone. But I do always those things that please him. Amen. You see there? Amen. Amen. It means anywhere he was always going to. Things that he was always doing, they were always coming from his Father. Das alles, was er gemacht hat, alles, was er getan hat, kommt immer von seinem Vater. There was no time he was not doing something for his Father. Es gab keine Zeit, in der er nichts für seinen Vater getan hat. Il n'y avait pas un temps quand il faisait quelque chose qui n'est pas pour le Père. In Mark 5, please. Mark 5. If you read from verse 1 of Mark 5. Markus 5, Vers 1. Verse 1. We just want to use that as an example. Everywhere in the Bible talks about Jesus working for his Father. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You can see from one place to another. Amen. Mm-hmm. From verse 1, you can see with the legion. From verse 1, c'est le million. Donc verset 1 peut voir la situation avec les démons. And from there, you now see it with that of Jairus. Jairus. And along the line, you know, before he got to where Jairus' daughter was, then the woman with issue of blood. You can see there was no time to say, I have to rest. Let me rest first before I continue. It was always working. Er musste immer wieder arbeiten, immer wieder für den Vater entscheiden, in jeder Lage. L'histoire de la femme qui saignait pour 12 ans, et donc on peut voir comment Jésus-Christ, il choisissait toujours le Père, il travaillait toujours pour le Père. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also, if you go to chapter 6 of Mark, of the book of Mark, you see that he continued. He was lost, you know, from one to another. Of Mark 6, es ist weitergeht, von einer Entscheidung zur nächsten Entscheidung. Et même dans Mark 6, on peut voir comment Jésus-Christ il continue à prendre des décisions pour travailler pour le Père. Like you and me today. Comme toi et moi aujourd'hui. The terrasse. La terrasse. You know, the Nigeria house. Yes, Nigeria house. La maison au Nigeria. Which is the ministry house. And from, you know, from one to another, even the services. Mm-hmm. The Bible studies. Are you got? Can you see it? Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. From one to another, it's just Him. Amen. You know, somebody will say, why don't we rest? Because Jesus, you know, yeah, we don't have time for that. Amen. Because 24/7 should be Christ for us. Et les gens peuvent dire, pourquoi vous ne vous reposez pas, mais nous n'avons pas le temps parce que c'est seulement du Christ. All should be of the Spirit. Et tout doit être de l'Esprit. And not of the flesh. Et pas de la chair. In Matthew 8, please. Matthieu 8. From verse 18. Verset 18. Now, when Jesus saw great multitude about him, he gave commandment to depart unto other side. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nets. That the Son of Man have nowhere to lay his head. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. All should be of the Spirit. Amen. For me, it's always all about my Father working for Him, choosing Him. Are you getting it? And in verse 21, said another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. You know, this is something good. That people will say this is good. The natural people, they will know, they will say this is good. Are you getting it? Even the religious people will say it is good. I hope you understand it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. I want to spend this money on myself. If you know, people will say it's good. Je veux dépenser cet argent pour moi, pour l'homme, c'est aussi normal. Amen. Mm-hmm. I want to give it to my mother, to my father, that I need of money. You know, people will say it's good. Ich will es meiner Mutter oder meinem Vater geben, dieses Geld, weil die Geldprobleme momentan haben. Leute, wir sagen, es ist nachvollziehbar, es ist ein guter Wille, ein gutes Motiv. Ou bien je vais donner cet argent à mon père ou bien à ma mère. Pour l'homme naturel, c'est aussi bien. No religion today. They are there for where there are wars. You know, they send money and help those that are, you know, where there are different types of war. Amen. But not of Christ. Sie unterstützt Krisengebiete, Orte, wo Hilfe in Anführungszeichen nötig wird, aber sie sind nicht da für Jesus Christus. Et il y a aussi des gens qui donnent leur argent au pays où il y a des guerres, mais ça n'a rien à voir avec Jésus Christ. Are you getting it? Mm-hmm. I know people will say, you know, people will always say it is good. Et les gens vont toujours dire que c'est bon. I want to go and bury my father. The world and religion will say it's good. Donc, l'homme religieux va dire que je veux aller pour enterrer mon père et pour Are you getting it? Amen. Amen. But Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. Et dans verset 20, on peut voir comment Jésus-Christ dit, dans verset 22, on peut voir comment Jésus-Christ dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. Amen. Let us allow our time, our money to be spent of the Spirit. To be of the Spirit, please. Ausgegeben wird. Vom Geist geleitet ausgegeben wird. Et on doit permettre que notre argent et qu'on on dépense notre argent pour les choses spirituelles et pas pour les choses charnelles. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our walk. Unsere Arbeit. Notre travail. Our rest. Unsere Ruhe. Notre repos. Our everything. Unser alles. Notre tout. Must be of the Spirit. Muss vom Geist sein. Doit être de l'esprit. And not of the flesh. Nicht vom Fleisch. Et pas de la chair. Are you getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We just read Matthew 8. Ja, Matthäus 8 gelesen. Wir haben nun Matthäus 8. From 18 to 22. Von 18 bis 22. Vers 18 à 22. We work for him both day and night. Wir arbeiten für ihn Tag und Nacht. On travaille pour lui chaque jour et nuit. How? By choosing him. Wie, indem wir Jesus Christus wählen. En choisissant le Christ. And we are never tired. Mm-hmm. Et nous sommes jamais fatigués. Because he was never tired. Il était mm-hmm. aussi jamais fatigué. Parce qu'il était aussi jamais fatigué. Of being there for his father. Mm-hmm. Für seinen Vater da zu sein. D'être là pour son père. Remember, he said, I do everything that pleases him et alone. Ich sag, ich tue all Zeit das, was ihm gefällt. Mm-hmm. Il a dit, je fais tous les jours ce qui est agréable à mon père. Amen. Amen. We work for him with our time. Wir arbeiten für ihn mit unserer Zeit. Et on travaille pour lui avec notre temps. The time we are here, people are spending it to make money. Die Zeit, in der wir hier sitzen, where we are spending it for him. Nutzen andere, um Geld to work for him. Aber wir nutzen es für ihn zu arbeiten. Et par exemple, le temps qu'on passe ici, on le passe avec le Christ et pour le Christ. Pendant qu'il y a des gens qui utilisent ce temps pour gagner d'argent. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. We chose to be here. On choisit d'être ici. We are not here for the flesh, but we are here for him. Nous ne sommes pas ici pour la chair, mais ici pour le Christ. The services. The Bible studies. Les études bibliques. And all others. Et toute autre chose. Amen. They all take time. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. We work for him with his own money. Wir arbeiten für ihn mit seinem eigenen Geld. On travaille pour lui avec son propre argent. The money he gave us. L'argent qu'il nous a donné. That money is not the natural money. We have his own money. Dieses Geld ist natürliches Geld. Wir haben sein Geld. Et cet argent, ce n'est pas naturel, mais c'est surnaturel, c'est son propre argent. You better believe that, please. Tu dois le croire. You, are you getting it? Mm. Except if he is not your provider. Sauf s'il n'est pas ta source. Amen. He will never give you anything natural. Il ne va jamais te donner quelque chose de naturel. Are you getting it? Mm-hmm. As far as you are not forcing him to give you those things. Tant que tu ne forces pas Jésus-Christ de te donner des choses. He has his own desire he wants that he has for you. Il a ses propres désirs pour toi. And not you imposing your desire on him. Nicht du, der deine Wünsche ihn aufzwängst. Et c'est pas que toi tu imposes tes propres désirs à Jésus-Christ. That's why fasting and prayer to get things is so dangerous. Deswegen ist das Fasten und Beten, Dinge zu bekommen, so gefährlich. C'est ça pourquoi des jeûnes et des prières sont vraiment dangereux pour, oui, si tu vas avoir des choses. Because you are forcing him to give you things. Du zwingst den Herrn, dir Dinge zu geben. Parce que tu forces Jésus-Christ de te donner des choses. Because you are seeing what you don't have and you are not begging him to give you. Du siehst das, was du nicht hast und bettelst ihn an, dir das zu geben. Parce que tu vois ce que tu ne possèdes pas et tu force Jésus-Christ a te donné cette chose. But it's what said, see me. And not see things that you don't have. Mais sa parole nous dit, vois-moi et arrête de voir les choses que tu n'as pas. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. See me alone. Jean-Michel, vois seulement moi. And stop seeing things. Et arrête de voir les choses. Amen. Mm. Before they fell, they were seeing him alone. And Adam was seeing him alone. Avant la chute de l'homme, Adam avait vu seulement son père, donc Dieu. And after the falling, after he fell, he now see that he was not seeing himself naked, no longer seeing him. Are you getting it? Et après la chute, il pouvait voir qu'il est nu, donc il a vu maintenant son soi. He was not seeing the problem. And find a solution to the problem. Is somebody getting it? Amen. And the Lord said, who told you that you are naked? How do you know that? Amen. Mm. Because that is not my kingdom. In my kingdom, you see me alone. In my kingdom, you never see problems. Because there is no problem in heaven. Is somebody getting it? Mm. Until you are here, you never see problems. Can see why their fasting and prayer is so dangerous, so evil. It's always walking by sight. Ihre Gebete sind immer per sich geleitet. Ces gens-là marchent toujours par vue. Amen. He wants us to walk by him. Er will aber, dass wir durch ihn wandeln. Mais lui, il veut qu'on marche par lui. Our money is the money he gave us. Unser Geld ist das Geld, was er uns gegeben hat. Et notre argent, c'est l'argent qu'il a nous donné. We never have anything without him. Wir haben nie irgendetwas ohne ihn. Nous n'avons jamais quelque chose sans le Christ. Because he is our provider. Amen. We are never to be tired of him. Never say no to the Holy Spirit. Again, let us allow everything to be of the Spirit. Our spending money should be of the Spirit and not of the flesh. Amen. You know, spending money to buy food when we have alternative is of the flesh and not of the Spirit. Geld auszugeben für Essen, wenn wir Alternativen haben, ist fleischlich und nicht vom Geist. À dépenser l'argent pour la nourriture, si nous avons des choses à la maison, c'est charnel et pas spirituel. I'm not saying that the Lord does not want us to enjoy. Ich habe nicht gesagt, dass er nicht will, dass wir Dinge genießen. Et je ne dis pas que l'Éternel nous dit de ne pas savourer. You know, he should be our enjoyment. And nothing food. Not even food. Mais c'est lui qui doit être notre joie et pas la nourriture. Are you getting it? Amen. Remember when they were seeking him because of food in John 6. Rappelez-vous comment les gens ont cherché Jésus-Christ à cause de la nourriture. Are you okay? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wants us to enjoy him. Il veut qu'on s'avorte de lui. Amen. Mm-hmm. You know, let us allow everything to be of the Spirit. Lass zu, dass alles vom Geist ist. Il veut qu'on savoir de lui et doit permettre que ce soit seulement du Christ. Amen. You know, by... Are we finished? Praise the Lord. You know, bestellity, buy things upon things upon things. Are you getting it? He might be the provider of those things also. Amen. It is like what he said in John 6. Oui, that's what in Johannes 6 sagt. Comme il a dit dans Jean 6. Don't seek me because of things. Suche mich nicht wegen Dingen. Ne me cherche pas à cause de choses. It is like what he said in Psalm 78. Was in Psalm 78 gesagt hat. Ce qu'il a dit dans Psalm 78. He gave them their desire. Er gab ihnen ihre Wünsche. Is somebody getting it? Amen. Those things might even be coming from him. Die Dinge kommen vielleicht sogar von ihm. Et peut-être ces choses-là sont aussi de lui. Praise the Lord. Amen. Let us listen to him, please. Lass uns Jesus Christus zuhören. On doit obéir à Jésus-Christ. But you know, just some days ago, we bought a car here. Amen. Vor ein paar Tagen haben wir ein Auto gekauft. Quelques jours passés, nous avons acheté une voiture. And if I spend the money buying things, that you know, well, we not even have that money to use for. For what we bought it for. It's for the ministry. It's for all of us. Amen. Und we already have. We already have how many? Around 3. And then this. Are you getting it? If I'm after myself, I will say I don't need it. But because your problem is my problem. My problem should be your problem. I should think more of you. He said we should be one for there for one another. I hope you understand it. Wenn man ein Auto kauft und ich persönlich brauche dieses Auto beispielsweise nicht, aber wir brauchen das Auto in der Gemeinschaft. Und weil dein Problem mein Problem ist und ich mein Problem als dein Problem sehe, deswegen gebe ich das Geld nicht für mich persönlich, gebe ich das Geld nicht einfach nur aus, um mich mich daran zu ergötzen, sondern ich gebe das in Christus aus für die Gemeinschaft. J'ai acheté une voiture et s'il s'agit seulement de moi, là j'allais dire que je n'ai même pas besoin de cette voiture parce que nous avons déjà plusieurs voitures ici à la maison, mais parce que je vois que ton problème est aussi mon problème. Et c'est ça pourquoi j'ai été capable à acheter cette voiture parce que la Bible nous dit qu'on doit penser de l'un à l'autre et pas dépenser l'argent seulement pour nous-mêmes. Amen. You know, I can say, okay, I'm going to spend the money on something else. And nobody will ask me of it. Are you getting it? But I choose that is, you know, the priority should be Christ. Ich könnte das Geld auch für mich selbst ausgeben und es würde mich auch niemand danach fragen, aber dennoch ist die Priorität Christus Jesus und deswegen tue ich das nicht. Et je pourrais aussi dépenser cet argent pour moi-même et personne ne va pas me demander des questions, mais j'ai choisi de voir Jésus-Christ et de comprendre qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ. I know you two, you children, you family, you are not also different. Und ich weiß, dass ihr Kinder nicht anders denkt. Et je sais aussi que vous, les enfants, vous ne pensez pas différent. Amen. Amen. The Lord said I should be able to trust you. Yes. Because of him. Der Herr hat gesagt, ich soll in der Lage sein, euch zu vertrauen wegen ihm. Et le Christ m'a dit que je dois être capable à vous faire confiance. He said I should be able to trust you that he is your priority. Ich sollte in der Lage sein, euch zu vertrauen, dass er unsere Priorität ist, unsere Nummer 1 ist. Amen. Et il a dit qu'on doit être capable, que je dois être capable à vous faire confiance, qu'il est aussi votre priorité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. And today we are going to continue with our, you know, we are going to start from where we start on Sunday. On Sunday because of the French and the Dutch language. Amen. Heute wird es weitergehen mit der Predigt von Sonntag wegen der deutschen und der französischen Sprache. Et aujourd'hui on va continuer avec le message de dimanche à cause de la traduction. And the Lord have other things as usual. He always add things later. Also. Und der Herr hat noch andere Dinge, die er immer wieder hinzufügt. L'Éternel a toujours des choses qu'il ajoute. Understanding the kingdom of faith. Das Königreich des Glaubens zu sehen. Comprendre le royaume de la foi. Understanding our kingdom of faith. Understand our faith kingdom. In heaven is permanent victory. Until you are in heaven, you never have anything permanent victory. Himmel sind, leben, haben wir beständigen Erfolg, beständigen Sieg. Et seulement quand on vit aux cieux, c'est là où on a toujours la victoire. Amen. Amen. Only in heaven you have permanent victory. Nur im Himmel gibt es beständigen Sieg. Et seulement aux cieux, nous avons la victoire qui est permanente. Revelation 12:12 says, "Rejoice, you heavens." Offenbarung 12:12 steht, freut euch, ihr Himmel. Et Apocalypse 12:12 nous dit que réjouissez-vous des cieux. Are you getting it? He said, "Rejoice, you heavens." Freut euch, ihr Himmel. Réjouissez-vous les cieux. Because you know, until you are there, you are whatever you have, they are like grass. Erst wenn du im Himmel lebst, wirst du nicht an einem Ort leben, wo nur vergängliche Dinge sind. Parce que jusqu'à ce que tu vis aux cieux, tes choses sont toujours vanité. Rejoice, you heaven, because until you are there, you know, so Satan control what you are. Genau, weil freut euch, Himmel, weil erst wenn ihr dort sind, wenn ihr nicht dort seid, wird der Satan alles kontrollieren, was ihr besitzt. Et il nous dit aussi qu'on doit se réjouir et on doit vivre dans dans le royaume de dessus, sinon le diable va toujours voler notre joie et puis tout ce qu'on possède. He said, "Rejoice, you heaven, because your joy, your peace is solely there that they are permanent. Your rest is permanent. Everything of Christ is permanent." Nur das, eure Freude, eure Frieden, alles von Christus beständig. Et il a dit aussi, réjouissez-vous vous les cieux, parce que c'est seulement au royaume des cieux que votre joie et votre paix est permanent. He said, "Rejoice, you heavens, because it's only there that Satan cannot touch." Freut euch, Himmel, denn nur da ist der Teufel unantastbar. Also Teufel ist, also nur da seid ihr unantastbar für den Teufel. Réjouissez-vous les cieux, parce que seulement aux cieux le diable ne peut pas vous toucher. He said, "Woe unto the earth, because Satan is here." Wehe der Erde, weil der Satan hier ist. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu. If you are here, he will control your joy, your peace, everything. Weil wenn ihr hier lebt, wird der Satan euren Frieden, eure Freude, alles kontrollieren. Parce que si vous vivez ici sur terre, le diable va toujours influencer votre joie, votre paix, votre tout. He will be the one controlling your life. Er wird derjenige sein, der euer Leben kontrolliert. Il va être la personne qui contrôle votre vie. Your decision. Eure Entscheidung. La décision. What you hate, what you love. Was ihr hasst, was ihr liebt. Ce que tu aimes, détestes. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Rejoice, you heavens. Freut euch, ihr Himmel. Réjouissez-vous les cieux. Amen. Amen. Heaven starts from here. Les cieux commencent ici sur terre. Heaven is not until you die. What man or religion called death? Der Himmel fängt nicht an, wenn ich stirb. Das ist der Mensch Religion Himmel nennt. Le ciel ne commence pas après la mort, ce que la religion appelle le ciel. Non, ça commence aussi sur terre. Amen. I know that is Christianity. You know, Christianity, until you die, you never go to heaven. Ich weiß, dass das Christentum ist. Erst wenn ihr stirbt, dann seid ihr im Himmel. Et je sais que dans le christianisme, c'est différent parce qu'ils croient que tant que tu n'es pas encore mort, tu n'es pas au ciel. Are you getting it? Mm-hmm. You know, Christ came and said, "You don't need to die before you live in heaven." What man and religion call death? I always separate death from death. Amen. You must not erst physisch sterben, bevor ihr im Himmel seid. Vous n'avez pas besoin d'être mort physiquement pour être aux cieux. Praise the Lord. Amen. In Matthew 18, we were there on Sunday. Please, let's go there now. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Matthew 18 from verse 1 to maybe 3 or more. Amen. Matthew 18. At the same time came... His disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? They ask him question concerning heaven. Amen. Praise the Lord. Amen. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Praise the Lord. Amen. They asked him question about heaven. Ils ont demandé des questions sur les cieux. Amen. They might even be thinking that maybe it's after death. You make it. You are in heaven. Again, what man and religion call death? You know, but Jesus revealed to them how to enter into the kingdom of heaven here, right now. And not after you die, what man and religion call death. Und nicht nach deinem Tod, das was Religion und der Mensch Tod nennt. Et c'est pas après la mort ce que l'homme et la religion appellent la mort. Amen. Amen. I always separate their death from what Christ called death. Ihren Tod von dem, was Christus Tod nennt. Moi, je sépare toujours la mort avec ce que Jésus-Christ appelle la mort. Amen. Amen. Because what man and religion call death and what Christ call death are two different things. Was der Mensch Religion Tod nennt und was Christus Tod nennt, ist nicht das gleiche. Parce qu'il y a une différence entre ce que la religion appelle la mort et ce que Jésus-Christ appelle la mort. They never call what Christ call death death. Ils nennent niemals das, was Christus Tod nennt, Tod. Parce que pour les gens religieux, eux, ils n'appellent jamais la mort. Il ne donne jamais la définition de la mort selon Jésus-Christ. If you look at the whole world today, they never believe, they never call what Christ called their death. Wenn du die ganze Welt anschaust, sie nennen niemals das Tod, was Christus Jesus Tod nennt. Et si on voit le monde entier, il y a personne qui voit la mort, la façon comment Jésus-Christ le voit. If you want to know what death really means, you go to Genesis. It's God that introduced death, and not Satan. Dann geht zu 1. Mose, weil es ist Gott, der den Tod uns vorgestellt hat und nicht der Satan. Et si tu veux comprendre et voir la signification de la mort, là tu dois lire Genèse 1 ou 3 ou Genèse où Jésus-Christ ou Dieu nous a introduit la mort. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And God said to Adam, if you disobey me, your disobedience will give power. Your disobedience will become sin. And that sin will give power to death, to kill you. I did not create death with power, but your disobedience will give death power to kill you. Und der Herr hat Adam gesagt, dass wenn du mich missachtest, dann wirst du Sünde damit begehen. Und diese Sünde gibt dem Tod die Kraft, dich zu zerstören. Ich habe den Tod machtlos gemacht, aber dein Ungehorsam gibt dem Tod Macht, dich zu töten. Et dans Genèse, on peut voir comment Dieu a dit que si tu me désobéis, c'est là où tu donnes le pouvoir à la mort et c'est comme ça que tu vas mourir. Mais moi-même, j'ai créé la mort sans puissance, mais c'est ta désobéissance qui donne le pouvoir à la mort. I hope you understand. And you know Adam disobeyed God. Und Adam hat Gott missachtet. Et on sait que Adam a désobéi à Dieu. And he died just like God said, I will make sure you die. Und er ist gestorben, so wie Gott es auch gesagt hat. Et il est mort la même façon comme Dieu l'a dit. But he was still here on earth for years. Er war immer noch hier auf Erden jahrelang. Mais il était toujours ici sur terre pour des années. A dead man having children. Ein toter Mensch, der Kinder hat. Un homme mort qui avait même des enfants. The dead man wearing suit and going to work. Ein toter Mensch, der zur Arbeit geht, schick gekleidet ist, in einem Anzug. Un homme mort qui porte une veste, qui part au travail. What man and religion will never call death today. Was der Mensch und Religion niemals tot nennen würde. Et c'est ça ce que l'homme et la religion vont jamais appeler la mort. Amen. And also number two, the soul that sinner shall die. Und auch nochmal zweitens, die Seele, die sündig wird, sterben. Et il a dit aussi, l'âme qui pêche va aussi mourir. It means through your decision, you choose that. C'est durch deine Entscheidung, wählst du den Tod. À travers tes décisions, tu choisis la mort. Through what you love, what you hate, you choose that. Is somebody getting it? À travers de ce que tu aimes et tu détestes, tu choisis toujours la mort. Are you getting it? Through your desire, you choose that. À travers tes désirs, tu choisis la mort. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Then another, we are dead to sin. Another death. Et encore, il y a aussi notre mort, la mort où nous nous sommes morts pour ce péché et pour le péché. We'll be there later. Amen. We are dead to sin. Nous sommes morts pour le péché. These are the deaths, the number one and the number three are the deaths that the Lord. How do I put it? Number one, we are dead without Him. Tu es mort sans Jésus Christ. Donc, d'abord un, tu es mort sans lui. Number two, you without with your decision, you choose that. Number zwei, durch deine Entscheidung wählst du den Tod. Numéro deux, à travers tes décisions, tu choisis la mort. And number three, what do you call it? Number three is we are dead to sin. Und drittens, wir sind tot zur Sünde. Et numéro 3, tu es mort pour le péché. Donc il y a trois morts. And this is the death that the Lord wants us to die. Und das ist der Tod, den der Herr für uns. Here on earth. Et ça, c'est la mort qu'on doit mourir. I hope you are getting it. Amen. To be dead to sin. Tot zur Sünde zu sein. Donc d'être mort pour le péché. To be dead to their desire. Tot zu ihren Wünschen. Être mort pour leur désir. To be dead to their system. Tot zu ihrem System. Être mort für ihr System. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Jesus talked about heaven here on earth. Jesus hat hier über den Himmel auf Erden geredet. Jésus-Christ a prêché sur le ciel ici sur terre. We just read where he said, until you die, you can never enter this heaven. That's in Matthew 18. Du stirbst, kannst du in diesem Himmel wohnen. Matthäus 18 lesen wir das. Donc dans Matthieu 18, on peut lire comment Jésus-Christ nous dit, jusqu'à ce qu'on meure, on ne peut pas entrer au royaume des cieux. To be like these little children he talks about. He's talking about is what kind of death that you must die because you know until you die you can never be like those little children. Weil erst wenn du stirbst kannst du wie ein kleines Kind sein, neugeboren sozusagen sein, ein kleines Kind und dich dann auch so dementsprechend verhalten. Aber dafür musst du erstmal sterben als Erwachsener. Donc pour être un petit enfant comme Jésus Christ. Le mentionne le suite ici dans verset 2, on doit aussi mourir parce que maintenant, ou bien avant ça, tu es toujours un adulte, mais tu dois être un enfant et ça demande la mort. Are you getting it? Death to your own decision. Tout sur ton eigen entscheidung. Tu es mort pour tes propres décisions. Amen. The old man and the new man, you know, the difference between the old man and the new man. The old man is dead completely and buried. Der Unterschied zwischen dem toten Menschen und dem alten Menschen und neuen Menschen. Donc il y a une différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Praise the Lord. Parce que l'homme ancien est mort et enterré. Again, until you die. What Christ called death, you cannot enter into his kingdom. Das, was Christus tot nennt, muss passieren, damit du in seinem Königreich wohnst als Kind. Pour pouvoir entrer au royaume des cieux comme enfant, tu dois d'abord mourir. Amen. Amen. What you call death should be what Christ called death, please. Was du tot nennst, sollte das sein, was Christus Jesus auch tot nennt. Donc ce que le Christ appelle la mort, c'est ce que toi-même tu dois appeler la mort. So see what they call death, death. Okay. See what Christ called death, death, please. Was du tot nennst, tot zu nennen. We are not different from him. Und du bist nicht anders als er. Et arrête de voir la mort comme une œuvre, la mort parce que tu n'es pas du tout là. Amen. Amen. Asseyez vous, so are we right now? So we are, yes, isn't we here in the bed? Praise the Lord. Hallelujah. It means what he called death should be what he called death. Was tot nennt, sollte das sein, was wir tot nennen. Das sind wir, que ce que le Christ appelle la mort, c'est la même chose que nous, c'est la même façon comment nous, si on va voir la mort. It means we should never be, we are never to be afraid of what they called death. Wir sollten niemals Angst haben vor dem, was sie tot nennen. Das sind wir, qu'on doit jamais avoir peur de ce que eux, ils appellent la mort. But are we afraid of what they called death? Aber haben wir Angst vor dem, was sie tot nennen? Ou bien nous avons peur de ce que le monde appelle la peur. You know, we can shake our head to, like this. So, but you just prove it. Wir können unseren Kopf schütteln und das verneinen, aber wir müssen uns selbst prüfen, ob es wirklich stimmt. On peut refuser ici maintenant à l'église, mais on doit vraiment juger notre cœur. You know, he talks about the fear of death so much. Er spricht oft über die Furcht vor dem Tod. We go to the book of, let's go to Hebrew. Go to Hebrew, please. Hebräer. Et aujourd'hui, le Christ parle aussi beaucoup de la crainte de la mort. Et maintenant, on va lire Hébreux 12. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Hébreux, let me see. Hébreux. Praise the Lord. Hallelujah. We'll go there later. Let us wait. We still have it in the front. We'll go there later. Wir gehen später dorthin. On va lire après. Praise the Lord. Hallelujah. Go there later. Let's go to Romans 6. Römer 6. Romans 6, please. Römer 6. From verse 1. Vers 1. What shall we say then? Can somebody help us to read? 1, 2, 3, please. 1 bis 3. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What shall we say then? Shall we continue sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Knowing yet not that so many of us as we are baptized into Christ Jesus have been baptized unto his death. Can somebody also help us to read from verse 4 to 6, please? 4 bis 6. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe. Vers 4 bis 6. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Amen. Denn wir mit ihm eins gemacht und mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Amen. Praise the Lord. Shall we read 6 as well? Ja, 6, okay. Please. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.